Mélodie, pourtant les yeux vers le ciel. Si seul face à soi, même les pieds cloués au sol. Si la merde a de la valeur, les riches la verraient toute belle. Conscient qu'à cette heure-ci, les pauvres n'auraient pas trop de balles. Les temps sont durs, on s'y fait, c'est sûr. Celui qui veut s'en sort, essuie les blessures en restant sincère. Des valeurs qu'on apporte. Et s'il faut se battre, sache que l'équipe est au rapport. Ok, on le fera avec ou sans haine. On le fera avec ou sans aide. 8, 9, 6, 9, l'espoir de la mélodie. Incrusté en soi, vie comme une maladie. À l'heure où les mots se posent sur un beat, sur une rythmique. À l'heure où je n'ai que mon rap en guise de béquille. Dans ces moments, cherchant une lueur d'espoir. Mais avec le temps, je me dis que c'est d'abord en nos œuvres qu'on doit croire. En quoi d'autre tu veux qu'on s'accroche? À part à ce qu'on amorce, on fait partie de ces générations qui morfent. En quoi d'autre, franchement, tu veux qu'on s'accroche? À part en cette volonté de rester debout, malgré le vide dans nos poches. Conscient qu'on est dépendant d'un système. Conscient qu'on est manipulé, ce qui peut attiser une forme de haine. Conscient d'un tas de trucs exprimés sur mélodie. De l'espoir, c'est sûr, il en faut dans une vie. On décrit l'espoir, on décrit l'histoire. On crache pas sur le respect pour une poignée de dollars. C'est juste notre story, c'est le son des mélodies sur fond de mélodie. C'est la mélodie d'espoir. C'est pas le son des désespérés. Garde ton calme pour respirer la mélodie de l'espoir. C'est pas une musique pour se désintégrer. Lève la tête, avance et concrétise tes rêves. Faut lutter, y'a pas de trêve, c'est la guerre. Ils veulent te laisser à terre. Et dire pour venir ici, y'en a qui traversent la mer. C'est la mer, d'ailleurs toujours pire, mon frère. Sans espoir, le TBS n'aurait pas connu d'histoire. Cette piche qu'on est monté dans la barque sans jamais chavirer. À bas de Rome, j'arrête. On t'aide à te relever, avance et bats-toi. Ne te comporte pas comme un opprimé. À part nous priver de la liberté, ils ne pourront rien faire, à part se peupler l'enfer. Quelques mesures d'espérance qui m'aident à mieux respirer. Le misérable te sourit quand celui qui se plaint sort du restaurant. Besoin d'espoir pour l'avenir des enfants de la terre. J'ai cette envie constante de faire face à l'oppresseur. Sers-toi de tes erreurs pour t'améliorer. Tu n'atteins pas ton but si tu te dis jamais je l'aurai. J'avance avec détermination et persévérance. J'accomplirai ma tâche avant de tirer ma révérence. Si tu t'armes de patience, tu ne vois plus le temps qui passe. Si tu t'armes du savoir, alors tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Brave, les épreuves elles sont là pour tester ta foi. Si t'as besoin d'encouragement, je viens t'aider avec ma voix. Manard, smicard, clochard, c'est pour vous qu'on chante, c'est pour vous qu'on tente de passer le message. Pas d'amatage, pas de naufrage, pas non plus du carnage. C'est la mélodie, l'espoir pour celui qui reste brave. Si tu frappes les portes, elles s'ouvriront. Pas toi, à part si tu supportes l'affront. Goliath, fais pas long feu, passe à l'affront. Les cailloux dans le front, la tour s'effondre, la poussière fond, fond des corps. Après le raz de marée, on ramassera les corps. On repeindra le port. Sans qui tout ton prochain te rendra beaucoup plus fort. N'aie pas peur, sors du noir. Vas-y, fais l'effort. Surtout dans le meilleur de toi. Et passe le message d'espoir à toutes les âmes perdues dans le brouillard. On décrit l'espoir, on décrit l'histoire. On crache pas sur le respect pour une poignée de dollars. C'est juste notre story, c'est le son des mélodies sur fond de mélodie. C'est la mélodie d'espoir. On décrit l'espoir, on décrit l'histoire. On crache pas sur le respect pour une poignée de dollars. C'est juste notre story, c'est le son des mélodies.